Casque Amanda. Casque Amanda, casque. Plaque à l'écale à la pâche. Manda, balade à casque. À la barbe à l'éca. L'éca, mal à grabra. Capala ratapla. Baba, bavard, raja. À la carne à la vache. Manda, crana, blaga. Narga les cas, bravache. Agar les cas clama. Tabac, tabac, tabac. À la dague, à la lame, à la hâte, attaqua. Manda, para, cana, cavalcada, macache. Par sa cape, alpaga. La pache à Pamanda. La graffa, la cabla. Malaxa, sa ganache. La tana, sakaja, savata, salada. La carda, la scalpa. Manda, brahma, alash. Safala, patatra. Cracha, rala. Claca. La pache à la papa, papa Kavala.